À qui est-ce que ça a été écrit, l'Apocalypse? Aux églises. Ça a été écrit pour les chrétiens. C'est écrit pour les chrétiens. Et je ne sais pas si vous avez déjà été au cinéma ou regardé un film, où est-ce que les non-chrétiens ont fait un film sur l'Apocalypse? Vous avez déjà vu le film 666? Il y a toutes sortes de films qui ont été faits. Il y a un film qui s'appelle les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Je ne l'ai pas vu celui-là. Mais j'ai vu l'enseigne à un moment donné. Donc, c'est beaucoup de gens. Et quand tu vas voir ces films-là, que tu les regardes, ils ne sont pas toujours corrects dans l'interprétation qu'ils donnent du livre de l'Apocalypse. Parce que ça n'a pas été écrit pour eux autres. Ça a été écrit pour nous autres, les croyants. Cette lettre a été envoyée aux églises pour faire quoi? Pour les encourager. Qu'est-ce qu'il y avait besoin d'être encouragé? Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin d'être encouragé, ces chrétiens-là? Ils vivaient une persécution affreuse. Si je peux, si on peut se fier au livre d'histoire du début de l'Église, c'était épouvantable. Épouvantable. Alors, c'est notre soeur qui dit on peut se réunir librement. Et là, ce temps-là, ce n'était pas le cas. On se réunissait dans les souterrains. Si vous avez déjà jamais, vous mettez la main sur un livre qui s'appelle Les Catacombes. Un livre fait pour les enfants, mais qui était très intéressant pour les adultes aussi. Où est-ce que les chrétiens se réunissent sous la ville de Rome? Les catacombes, c'était des mines de sable. Où est-ce qu'on excavait le sable pour faire les briques, pour construire la ville au-dessus? Et quand les chrétiens ont commencé à être persécutés d'une façon très forte, ils se sont réfugiés dans ces souterrains-là. Ils ont vécu là. Et quand on va visiter ces catacombes-là aujourd'hui, ça a l'air que c'est possible. Il y a des milliers de tombes, de creusées dans les murs où les chrétiens étaient enterrés. Et ce n'était pas évident. Il y avait besoin d'être encouragé. Il y avait besoin d'être fortifié. Il y avait besoin d'être convaincu par Dieu qu'il n'avait pas fait une erreur en croyant en l'Évangile. Parce que je vous dis, l'apôtre Paul écrit que les chrétiens de son vivant, il était déjà mort, Paul, quand l'Évangile est écrit, de son vivant, l'apôtre Paul, les chrétiens se posent la question, pourquoi ça, Jésus n'est pas encore venu? Pourquoi Jésus n'est pas encore venu? Qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui sont morts, les chrétiens? Donc, les chrétiens ne pensaient pas que ça prendrait 2000 ans avant qu'ils reviennent, c'est certain. Et ça les amenait à se poser un paquet de questions, un paquet d'interrogations. On s'est-tu trompé? On a-tu mal compris? Et on étudie ensemble les sept lettres. Et vous vous souvenez des sept lettres? Est-ce que c'était des lettres qui étaient faciles pour l'Église? C'était difficile pour l'Église. Il y a juste une qui dit qu'il la félicite. Les six autres, c'est quoi? Repends-toi ou tu vas périr avec les autres. Il dit ça à des gens qui se disent chrétiens, du moins, qui s'appellent chrétiens, qui ont affiché, peut-être pas l'enseigne Église baptiste, mais en tout cas Église évangélique, Église chrétienne, Église de Jésus, je ne sais pas comment ils s'affichaient, mais ils ne devaient pas mettre de grosses pancartes parce qu'ils n'avaient pas le droit. Mais il y avait des petits signes entre eux autres, hein, des petits poissons, toutes sortes de petites affaires qui marquaient pour se reconnaître. Mais il y avait besoin d'être encouragé. Parce que c'était une période très difficile. Et on voit que les églises sont en train d'abandonner la foi. Il dit, tu as perdu ton amour. Tu passes pour être vivante, mais tu es morte. Et si tu restes de même, je vais te vomir de ma bouche. Et si tu restes de même, je vais te détruire avec les autres, avec l'épée qui sort de ma bouche. Je vais te détruire. Et les destructions, on a vu ensemble, ce n'est pas des petits problèmes sur la terre. C'est vraiment qu'ils vont être détruits avec les impies. Parce qu'ils ne sont pas croyants. Dans la Bible, il y a toujours des contrastes entre le monde des chrétiens et le monde des non-chrétiens. La Bible appelle ça des fois, il y en a qui sont dans les ténèbres, puis les autres sont dans la lumière. Il y en a qui sont morts, puis il y en a d'autres qui sont dans la vie. Hein? Il y en a qui sont appelés enfants de Dieu et d'autres sont appelés enfants du diable ou du malin. Donc, il y a toujours des comparaisons comme cela entre les deux. Et dans l'Apocalypse, il y a une comparaison. Vous avez déjà remarqué. Heureux et malheureux. Ces mots-là reviennent continuellement dans les livres de l'Apocalypse. Dès le premier verset, on vous a monté quelques-uns au tableau. Dès le premier verset, Apocalypse 1, 13, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. J'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Apocalypse 16, voici je viens comme un voleur, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse 19, l'ange me dit, écrit, heureux ceux donc qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les paroles de Dieu. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 22, 7. Et voici, je viens. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et le dernier. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Donc, heureux ceux-là, heureux ces gens-là. Et le mot dans le texte original, là, pour heureux, c'est le mot makarios, qui veut dire le bonheur des dieux. Quelle est la différence entre le bonheur des dieux et le bonheur des hommes? Le bonheur des hommes dépend des choses de la terre. Et le bonheur des dieux dépend des choses d'en haut, et non pas les choses d'en bas. Des dieux. C'est parce que dans la culture, ou dans la culture grecque, il y avait des multitudes de dieux. Des multitudes de dieux. Donc, il y avait un sorte de bonheur que les Grecs avaient dans leur langage. Il y a un mot pour le bonheur des dieux. Puis il y avait un autre mot pour le bonheur des êtres humains. Et ici, l'original, c'est le bonheur des dieux. On est appelé à partager le bonheur, nous on dirait, de Dieu. Parce qu'on sait qu'il y a juste un Dieu. Mais en même temps, il y a le côté aussi malheur. S'il y en a qui veulent lire, allez-y. Mais je vais dire la référence pour ceux qui écoutent la cassette après. Apocalypse 3, 17. Un autre, Apocalypse 8, 13. Apocalypse 9, 12. Apocalypse 12, 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, Dieu, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Apocalypse 18, 10. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront, malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Apocalypse 18, 16. Et c'est malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de saint, de pauvre et d'écarlate, des carrés d'or, de pierres précieuses et de terre, en une seule heure, sans de richesse, en une seule. Ils jetaient de la poussière sur leur tête, ils pleuraient, et ils étaient dans le deuil, ils criaient, ils disaient, malheur, malheur, la grande ville, où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer, et une seule heure a été détruite. Donc, il y a une grande comparaison dans l'Apocalypse entre le bonheur et le malheur. Ici, on peut voir l'ensemble, le bonheur de la terre ou le malheur de la terre dépend du ciel. Le bonheur et le malheur des hommes dépend du ciel. Quand vous écoutez la publicité, c'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit que le bonheur dépend de la terre. Et on vous dit que le malheur, vous allez être malheureux si vous n'avez pas les choses de la terre. Mais ici, le livre, l'auteur, qui est Dieu, dit à son peuple, dit aux enfants de Dieu, « Heureux serez-vous si vous êtes avec moi. Mais malheur à vous si vous n'êtes pas avec moi. » Si on résume l'Apocalypse avec cette petite phrase-là. « Heureux ceux qui sont avec moi, pour moi, qui croient en moi, qui ne m'abandonneront pas, qui vont rester avec moi malgré tout ce qui va arriver. Et malheur à ceux qui vont renier, qui vont rejeter, qui vont repousser mon nom pour avoir le bonheur de la terre. » Donc, c'est une grande comparaison entre les deux. Et on a vu, on a commencé à voir, il y a quelques semaines, les sept trompettes, dans le chapitre 8. N'as-tu que tu te souviens, c'était quoi les quatre premières trompettes? N'as-tu que tu t'en souviens? Ça c'est les six, sept sauts. Là, on est rendu aux sept trompettes. C'était toujours un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de la terre va être détruit, un tiers de la verdure va être détruit, un tiers de l'eau potable va être détruit, un tiers de tout ce qui est dans la mer va être détruit, avec l'eau de la mer va être changée en sang, un tiers, un tiers, un tiers, ça fait trois tiers. Bon, non, c'est pas tout à fait de même. C'est pas mathématique l'affaire, on dirait. Hein? Mais il vous l'a dit, puis on a vu ensemble, c'était vraiment dramatique. Qu'est-ce qui se passe là? Et ensuite, on a vu le premier malheur. De ceux qui s'en souviennent, c'était quoi le premier malheur? Parce qu'après les quatre premières trompettes, il dit, il arrête, puis il dit, il va venir maintenant à contre des autres trompettes. Trois grands malheurs sur la terre. C'est comme si les autres, c'était des petits malheurs. Là, il dit, en vient trois grands malheurs. Et le premier, de ceux qui s'en souviennent, chapitre 9, verset 1, les sauterelles qui sont sorties de l'abîme, qu'on a appelé les sauterelles démoniaques. Et on a vu qu'elle dit, l'ange dit aux sauterelles quoi? Ne faites pas de mal aux arbres, à la verdure, à tout ce qu'il y a sur la terre. Ne faites pas de mal à ces choses-là. Et il dit, ne faites pas de mal non plus à ceux qui ont le sceau sur le front. On a vu ensemble, c'était important d'avoir le sceau. Si on n'a pas le sceau, les sauterelles vont nous piquer avec une espèce d'odeur scorpion, là, peu importe c'est quoi la bébite, là. Hein? Je ne vais pas m'aventurer d'essayer de vous décrire c'est quoi. Mais une chose est certaine, si tu n'as pas le sceau de Dieu, tu es mal pris. Et qu'est-ce qui arrive à la terre à ce moment-là? La terre entière veut faire quoi? Veut mourir. Mais ils ne trouvent pas la mort. Ils ne peuvent même pas se soulager de leur souffrance en mourant. Dieu dit non. Pendant 5 mois, vous allez souffrir. Comme souffre l'homme qui était piqué par un scorpion. J'en ai jamais fait l'expérience, donc je ne sais pas c'est quoi. Mais ça m'a l'air d'être douloureux. As-tu déjà été piqué par un scorpion? Presque. Ah. Si t'aurais été déjà piqué par un scorpion, on aurait pu savoir c'est quoi. Mais t'aurais dû te laisser piquer, on aurait su c'était quoi, vraiment. Parce qu'il y a des antidotes, là, mais on est mieux pas se faire piquer si on n'a pas l'antidote. Hein? C'était où, ça? En Inde. En Inde, oui. En passant, tu viens d'où, toi? Tu viens de où, toi, France? Non, de Belgique. Belgique, originairement. On va un petit accent français. T'as pu dire française, mais belge. On n'est pas assez intelligent de savoir la différence entre les deux, nous. OK. Et ce matin, on va voir le deuxième grand malheur. Mais le deuxième grand malheur commence au chapitre 9, verset 12. Il va se terminer seulement qu'au chapitre 12. Donc on ne va pas tout faire ça ce matin, c'est bien entendu. Mais il y a vraiment, c'est long le deuxième malheur, ça comprend différentes choses. Et on va partir du verset 12 et on va lire, on a eu des sauterelles bizarres, puis là on va voir des chevaux bizarres. Chapitre 12, 9, verset 12. Le premier malheur est passé. Voici, il y en a encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Il disant au sixième ange qui avait la trompette, « Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve de l'Euphrate. » Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuent le tiers des hommes. Le nombre des cavaliers de l'armée était de 2 myriades. J'en entendis le nombre. Et ainsi, dans la vision, je vis les chevaux et ceux qui les montaient ayant des cuirasses de couleur de feu, d'hyacinthe et de soufre. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions. Et de leur bouche, ils sortaient du feu, de la fumée et du soufre. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le soufre, qui sortaient de leur bouche. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à ces serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient le mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas de leurs œuvres, et de leurs mains, ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Je ne sais pas lesquelles sont les plus épeurantes, les sauterelles ou les chevaux. Ça vient pas mal au même, hein? Mal au même. Et on voit que c'est un deuxième malheur qui commence, et c'est sur la terre. Je vous ai fait remarquer à plusieurs reprises que je parlais avec quelqu'un cette semaine, et qui croit que ces chevaux-là, ici, c'est une armée qui se lève du pays de la Chine pour attaquer Israël. J'ai pas répondu. Je vous ai dit à plusieurs reprises, selon ma compréhension, l'Apocalypse, ce n'est pas la terre contre la terre. C'est quoi? C'est le ciel contre la terre. Ça n'a rien à voir avec les hommes, ça. C'est Dieu qui amène ses jugements sur le monde qui n'a pas voulu croire en lui. Et ici, ces anges-là, ils sont prêts de toute éternité. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait au hasard. Ce n'est pas quelque chose que Dieu fait sous une impulsion. C'est quelque chose qu'il avait planifié, organisé, programmé pour une heure et une minute très précise dans l'histoire de l'humanité. Et il dit aux anges d'aller faire du mal à la terre, aux hommes qui sont sur la terre. Je ne sais pas si ça se produit cela d'une façon très littérale. Si oui, un tiers de la planète meurt. Ça fait combien de monde ça sera aujourd'hui? 2 milliards quelque chose à faire. 2 milliards quelques personnes. Imaginez-vous, 2 milliards de personnes qui meurent en même temps. Ouais, on dit quoi? Mais non, ce ne sera pas 6 milliards par rapport à 6 milliards parce qu'un début sera déjà en fait. Donc il y aura une bonne partie d'entrée quand même avant. Oh, nous, on n'a pas cette croyance-là ici, c'est à fait. Je sais ce que tu veux dire. Donc il y en a qui sont partis avant, selon une certaine croyance. Nous, on ne croit pas que l'Église est enlevée. On croit que l'Église va passer au travers. En tout cas, je crois. Je ne devrais pas dire on croit, je crois. Parce qu'il y en a qui croient peut-être comme vous ici. On a ce privilège de croire ce qu'on pense le mieux pour chacun de nous. Mais selon nous, l'Église va passer au travers. L'Église, pour nous, c'est ceux qui sont marqués du sceau de Dieu sur le front. Donc, c'est ce qu'on pense. Mais si effectivement notre parti, bon, mais mettons qu'il y en a 1 milliard de partis, ça sort déjà bon, hein, ça sort déjà très bien, s'il y en a 1 milliard, moi je vais applaudir les mains. Et s'ils sont partis, je vais être parti aussi. Mais s'ils ne sont pas partis, tu ne seras pas parti non plus. On va être ensemble. Si je suis là, tu es là. Si tu n'es plus là, je ne suis plus là non plus. Donc, automatiquement, du maillot d'un autre, on va partir ensemble. Peu importe. J'ai déjà dit aux gens, c'est pas important. Le plus important, c'est qu'on va tous partir ensemble. Ça, c'est certain. Parce que nos croyances sont un petit peu différentes. Ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de croire qu'il va venir nous chercher à un moment donné ou un autre. Mais une chose est certaine, comme on a vu, si on est là, les sauterelles ne touchent pas à ceux qui ont le sceau de Dieu. Donc, la colère de Dieu n'est pas contre ses enfants. La colère de Dieu est contre ceux qui ne sont pas ses enfants. Peu importe si sont ceux qui sont là ou ceux qui ne sont pas là, parce que, de façon ou d'une autre, ils vont certainement y en avoir, parce qu'il y en a qui ont la marque sur le front, le sceau de Dieu. Donc, ils vont certainement en avoir. Si ce n'est pas toute l'Église, il y a certainement des croyants qui vont être là. Et ils ne sont pas touchés par ces fléaux-là. Ils ne sont pas touchés. Sont épargnés. Comment ça fait 2 milliards de myriades? Y a-t-il qu'il y a une autre traduction qui dirait le nombre en français? C'est une bonne Bible, c'est bon. C'est ça que ça fait. 200 millions. 200 millions de chevaux qui viennent attaquer la terre. Si en frappe seulement un chaque, ça fait 200 millions. Si on touche 10 chaque, ça fait 2 milliards. C'est pas si long que ça, là. Hein? Si on dirait, si on prenait ça juste mathématiquement parlant, humainement parlant, 200 millions de chevaux qui ont le pouvoir de faire du mal, donc automatiquement, ça ne serait pas si terrible, si difficile, si je peux dire comme ça, de toucher 2-3 milliards de personnes. Hein? Ça ne prendra pas des années. Ça peut se faire très vite. Mais tout ce que je veux qu'on remarque, c'est le ciel qui est en colère contre la terre. Et ces anges-là, je pense que c'est des anges démoniaques, je pense que c'est des démons, personnellement, c'est ce que je crois. Autant les sauterelles que ces démons-là, parce qu'ils sortent de l'abîme, ils sortent de ce que les démons sont retenus depuis des millénaires. Ils attaquent la terre. Une des raisons que vous allez voir tout à l'heure, pourquoi je crois ça, parce que il dit un petit peu plus bas dans le verset, ils adorent les... Il n'y a pas un autre mot, là? Il n'y a pas un autre mot, là? Ils adorent les démons. Dans ma tête, c'est Dieu, il dit, vous adorez les démons, vous voulez donner les démons. Vous voulez savoir c'est quoi des démons? Moi, vous en donnez des démons. Vous les aimez, les démons? Vous allez les avoir, les démons. Je suis convaincu, sur la terre, si on demande aux gens combien de gens adorent des démons, ce serait une petite minorité qui dirait, moi, c'est ça que j'adore. Une petite minorité. Mais il y en a beaucoup plus qu'on pense. Mais je ne crois pas qu'ils sont toujours conscients qu'ils adorent les démons. Et toutes ces bébites-là, là, peu importe qu'est-ce que c'est littéralement parlant, sont en train d'accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous avez de la misère à accepter que Dieu fasse ça? Pas en tout. Beaucoup de gens sur la planète détestent Dieu parce que Dieu permet des guerres. Dieu permet l'avortement, Dieu permet des choses difficiles dans la vie des gens. Mais Dieu, déjà, si Dieu serait bon, il ne permettrait pas ça. Si Dieu serait gentil, il ne ferait pas ça. En tout cas, moi, quand j'étais jeune, toutes ces choses mauvaises-là, on les attribuait au diable, au démon. Dans ma foi, quand j'étais jeune, le démon faisait... Dieu ne faisait pas des choses semblables. Dieu ne faisait pas des grosses cataclysmes comme ça. Dieu n'envoyait pas des tsunamis. Dieu ne faisait pas exploser des volcans. Ça, c'était d'autres choses. Parce que Dieu était bon, on ne faisait pas ça. Et combien de gens que je connais personnellement qui ont lu l'Ancien Testament et qui ont commencé à lire l'Ancien Testament, ils s'en venaient dedans, et là, ils sont scandalisés de voir que Dieu demande à des gens d'aller tuer d'autres gens. Ils sont scandalisés de voir que Dieu demande des guerres. Juste dernièrement, quelqu'un au gym vient me voir et dit, François, je comprends pas. Dieu est bon, comment est-ce qu'il peut dire à son peuple, allez, rentrez dans cette ville-là, tuez-la, les hommes, les femmes, les enfants, tuez tout le monde. Il n'est pas capable d'accepter ça. Il a fermé la Bible, il l'a mis dans le tiroir, il ne peut rien savoir. Il n'est pas capable d'accepter le fait que Dieu peut punir des pécheurs. Une grande partie de la planète aujourd'hui vont vous dire que l'affaire n'existe pas. Pourquoi? Dieu est trop bon. Dieu ne peut pas envoyer des gens en enfer. Dieu est trop bon. En même temps, il faut tout le voir dans son ensemble et non pas prendre la petite partie qu'on voudrait. Il est tout dans son ensemble. Et moi, je crois personnellement que les chrétiens qui sont dans le ciel déjà, et ceux qui vont être sur la terre à ce moment-là, peu importe le nom, ils vont dire Amen à ça. Ça va être Amen à ça. Parce qu'ils vont voir la délivrance de leur Dieu s'accomplir. Ils vont voir les promesses de leur Dieu s'accomplir. Nous, on va être dans la gang de heureux de voir tout cela. Mais il va y avoir aussi autour de nous des gens malheureux qui vont être eux autres dans la souffrance. C'est difficile de comprendre, en tout cas pour moi, c'est difficile de toujours saisir comment je vais faire pour être heureux quand je vais voir ces choses-là arriver. Mais je crois que je vais l'être. Et si je suis déjà rendu au ciel à ce moment-là, encore plus heureux. Souvenez que dans l'Apocalypse, ce qu'on a vu, dessous la grande autel, qu'est-ce qu'il y a? Une grosse autel dans le ciel. Il y a des âmes de ceux qui ont été décapités, les martyrs, les chrétiens qui sont morts pour leur foi. Et qu'est-ce qu'ils demandent à Dieu? Jusqu'à quand tu vas attendre pour nous faire justice? Jusqu'à quand tu vas attendre pour nous venger de ça, de toute cette mort, de cette tuerie qui se fait depuis des millénaires sur tes enfants? Je l'ai-tu déjà dit? Je suis rendu vieux, pardonnez-moi. Je l'ai-tu déjà dit combien de chrétiens étaient morts? Scotland Yard a fait une recherche à un moment donné, puis ils ont fait une recherche combien de chrétiens avaient été tués au nom de la foi depuis le début de l'Église jusqu'à peu près 1970, 75 quand c'était fait, la recherche. Je l'ai jamais dit. Oui, je suis pas sûr de l'avoir dit. Soit j'avais plus de mémoire ou c'est moi qui en ai plus. Un des deux, pas grave. Je l'ai déjà dit, hein? Ça me semblait que je l'avais déjà dit. Scotland Yard dit 50 millions de personnes ont été tuées qui étaient des chrétiens. 50 millions à travers l'histoire de l'Église. C'est du monde, hein? On nous dit aujourd'hui, pas marqué dans l'Apocalypse ça non plus, là. Mais on nous dit aujourd'hui que 300 à 500 000 personnes meurent par année à cause de la foi dans le monde, qui s'ajoute aux 50 millions dans son année. Et ces gens-là sont dans le ciel. Et la Bible nous dit qu'ils crient à Dieu, quand est-ce que tu vas faire justice à ton Église? Combien de temps encore tu vas attendre pour nous faire justice? Et qu'est-ce que Dieu Jésus a répondu? Donc, il dit, il y en a encore à mourir. Ils ne sont pas encore finis, l'histoire. Il y en a encore qui vont mourir comme vous autres. Il y en a encore qui vont être mis à mort pour vous autres. Il y a encore des gens qui vont souffrir pour leur foi en s'en allant. Et le nombre de ceux qui devraient être sauvés n'est pas encore complet. Quand le nombre est complet, là, je vais amener vengeance pour vous autres. Il n'a pas dit qu'il ne le ferait pas. Il va le faire. Vous savez, on va regarder maintenant le résultat. On a l'impression des fois que quand toute sorte, le tiers de l'eau, le tiers du soleil qui va se circurcir, le tiers de l'eau qui va tout venir en sang, le tiers de l'herbe qui va disparaître, le tiers des hommes qui vont être tués par les bébites, on pensait que la, que les hommes réagiraient, hein? Mais réagissent mal. Ils se rebellent. Regardez au verset 20. Au verset 20. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se pentirent pas de leurs œuvres. Tu aurais l'impression qu'il dit, ben, ils vont comprendre, mais ils vont se repentir, et puis ils vont se convertir. C'est pour ça que personnellement, que je crois que le temps de la grâce est terminé pendant ce temps-là. Parce que tout au long de l'Apocalypse, pendant les fléaux tombent sur la terre, les versets nous disent partout, ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Ça, c'est le verset 19, verset 20. Verset 21, « Ils ne se repentirent pas de leur meurtre ni de leur enchantement. » Le mot « enchantement », là, c'est la magie, c'est la sorcellerie. Apocalypse 16, 19, « Les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux. » Il semble qu'ils savent que c'est Dieu qui envoie les fléaux. Il semble que ceux qui vont être là, ça va être très clair que ce n'est pas les Chinois. En tout cas, dans ma tête, ça va être très clair que ce n'est pas des Chinois, ou des Russes, ou des Américains, ou la bombe atomique. Ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Et 16 à 11, ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Donc, pendant ce temps de fléau sur la terre, les hommes ne se repentent pas. C'est terminé, la grâce. C'est maintenant les jugements de Dieu. Au lieu de se repentir, il nous est dit qu'ils continuent à faire quoi? À adorer les démons. Les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni parler, ni marcher. Hein? Vous vous souvenez dans Isaïe, Dieu est sarcastique des fois, hein? Isaïe donne l'exemple d'un bûcheron. Le gars, il rentre dans le bois avec sa scie, avec sa scie à chaîne, non. Il rentre dans le bois, puis là, il se coupe un arbre. Il coupe ça en petite bûche de 16 pouces pour mettre ça dans le poêle. Il emmène ça chez eux, il chauffe le poêle, il prend des bûches, il attend, il se fait une belle petite idole, puis il se met à genoux devant, puis il l'adore. Il dit, t'es fou, Bérette. C'est la même bûche que tu as mis dans le bois. Dans le poêle, merci. Dans le poêle. On voit ceux qui chauffent au bois. Hein, il dit, c'est la même bois. Pourquoi tout d'un coup, celle-là, tu l'adores, puis l'autre, tu l'as mis dans le feu? Dans l'Apocalypse, il y a juste deux groupes de personnes. Tout à l'heure, on a vu les heureux et les malheureux. Dans l'Apocalypse, il y a juste deux foules. Jamais 3, jamais 10, jamais 20, jamais... Il y en a qui disent 3000 religions. Il y en a juste deux. La vraie puis la fausse. La vraie puis la fausse. Il y en a juste deux. Peu importe les noms qu'on les donne. Il y a ceux qui adorent Dieu, puis il y a ceux qui adorent les autres choses. Les autres choses. Peu importe c'est quoi. Les démons, les bébites à 4 pattes, à 10 pattes, à 12 pattes, à 7 têtes, à 12 têtes, peu importe le nombre de têtes de cornes qui ont sur la tête, ça n'a pas d'importance. S'ils n'adorent pas Dieu, ils font partie des malheureux. S'ils adorent Dieu, ils font partie des heureux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dernièrement, il y a une espèce d'engouement depuis quelques années pour les anges. Avez-vous remarqué ça? On a reçu des cadeaux de nos une belle-sœur, mamie, avec un petit lampion. C'est la mode des petits lampions. On met des petits lampions partout dans la maison. Hein? On prend notre bain, on allume des chandelles. Mais c'est un ange qu'elle nous a donné avec un petit lampion. Quelqu'un d'autre nous a donné un savonnier pour mettre du savon dans le liquide. Et autour du savonnier, c'est des anges. Il y a un engouement pour les anges dans la société présentement. Voilà. C'est l'engouement que présentement. Et on ne fait pas juste les mettre là. On croit, vous irez, il y a des librairies, et on vend des multitudes de livres sur les anges. Même on envoie vers la route des cinq informations qui disent de lire ça, ce n'est pas quelqu'un d'autre, les anges vont nous protéger. J'ai reçu ça par Internet dernièrement. Si vous la recevez, ne détruisez pas cela. Envoyez ça à 10 de vos amis. Et il parlait des anges. Comment les anges pouvaient intervenir en notre faveur? Des quoi? Mais, et ils nous disent de les prier, de les adorer. Dernièrement, c'est quelqu'un qui m'a dit ça, c'est au gym. Et c'est une dame qui m'a parlé, elle m'a dit, « Oh, mon ange gardien m'a protégé. Mon ange gardien m'a protégé. » Dans l'Apocalypse, il y a un homme qui s'appelle Jean. À deux reprises, ce qu'il voit, c'est tellement formidable, tellement exceptionnel, qu'il tombe à genoux devant l'ange qui lui parle pour l'adorer. Et qu'est-ce que l'ange dit? Ne fais pas ça, petit Jean. Ne fais pas ça. Je suis un serviteur de Dieu comme toi. Il dit, faire quoi? Il dit, adore Dieu. Parce que tu viens, si tu m'adores, tu vas être dans la gang des malheureux. Ceux qui adorent les anges sont dans la gang de malheureux. Dans la gang de malheureux. Ceux qui vont être bénis de Dieu et qui vont finalement rentrer dans cette nouvelle ville de Jérusalem qu'on va étudier un peu plus tard, c'est ceux qui adorent Dieu seulement. Qu'est-ce que ça veut dire adorer? On va arrêter là, mais juste dire, comme si quelqu'un vous disait de définir l'adoration par un mot, comment je vous diriez ça? J'adore Dieu. Comme, d'autres synonymes pour ça, comment est-ce que vous diriez ça, vous autres? Louer? Je dirais non. Parce que la Bible nous dit que adorer, c'est une chose, puis louer, c'est une autre chose. Glorifier, non. La Bible dit qu'adorer, c'est une chose, puis glorifier, c'est une autre chose. Non, j'attends de vous prendre au piège. Après ça, je me sens mieux. J'ai l'impression qu'il y a avec moi qui sait quelque chose. T'as dit quelque chose, toi? Non, t'as dit aïe aïe? Adorer, c'est adorer. Moi, je... Aimer, non, ça, c'est une conséquence de mon adoration. La vie chrétienne, ça a comme fondement... Là, je vous donne mon opinion, comme fondement, l'adoration, qui, elle, découle par aimer, louer, glorifier, servir et toutes les autres choses. Mais l'adoration précède ça. Quand on a dit tout à l'heure, repens-toi et adore Dieu. Donc, la repentance que j'ai vécue il y a 30 ans a dû me dire, détourne-toi de tes idoles et adore Dieu. C'est la première chose que tu dois faire. Ensuite va découler le respect. Ensuite, la vie chrétienne va se vivre. Mais des fois, on dit aujourd'hui, « Oh, j'adore Dieu. » Et là, on dit, « Je loue, j'adore, je prie. Je... » On mélange tout ça. Et c'est pas... C'est... On ne peut pas trancher ça au couteau comme on voulait, là, mais c'est pas tout à fait de même, je pense, personnellement. L'adoration vient en premier. Je peux pas adorer sans connaître, c'est vrai. Il faut que je connaisse pour adorer. Et mon adoration va augmenter en mesure que ma connaissance augmente. Moi, personnellement, je dirais admirer ou admiration. Ça va être le résultat de mon adoration. Quand j'adore quelqu'un, ça veut dire que dans la Bible, quand on parle d'adoration, on parle d'êtres qui tombent en face contre terre. Ils ne parlent pas, ils ne font rien, ils ne disent pas un mot, ils font juste se prosterner devant Dieu et ils sont en comme c'est trop pour eux autres. Ils sont dans l'admiration, dans l'émerveillement de la personne de Dieu. Et là, à cause de cette attitude-là du cœur, là, il loue Dieu, là, il chante des cantiques, là, il glorifie Dieu, là, il sert Dieu. Mais l'adoration précède toutes ces choses-là. Passez du temps, passons du temps dans l'adoration. Et comme Denis vous a remarqué, il est important pour adorer de plus en plus, notre émerveillement grandisse, que notre admiration grandisse, il faut que notre connaissance augmente de la personne de Dieu. Je dis tout le temps, le plus beau diamant devient terne s'il n'y a pas de lumière qui brille dessus. Et la lumière, c'est la parole de Dieu.